Eh bien, vous êtes toujours sur les ondes de CKRL avec Sébastien Gariepy qui vient de prendre le micro en remplacement de votre ami Jean-Sébastien Grondin. Et je vous invite à écouter un autre de ces fabuleux jams de niveau zéro. Vous les entendez peut-être un peu en arrière, mais on va y aller directement avec les micros. Bonne écoute et à tantôt sur les ondes de CKRL. We'll be right back. We'll be right back.